fragile, abattu sur son chemin. Tu m'as servi de radeau, de tremplin. À la frêle libellule, aux ailes fripées, à l'âme et au cœur chagrin. Elle s'est laissée capturer et emportée par le souffle léger de tes mots. L'étincelle brillante de tes yeux et la douceur timide de ton cœur. Des champs de ronces, d'orties multiples crevasses, plusieurs fois tombées et toujours relevées, plus grand, plus souple, plus fort. Elle s'est laissée capturer. De tes mots, étincelle brillante de tes yeux et la douceur timide de ton cœur. Dans le ciel couvert de nuages gris, un rayon d'espérance est apparu, et de toute sa force et sa splendeur a effacé de vos épaules le poids et la douleur. Elle s'est laissée capturer. L'étincelle brillante de tes yeux et la douceur timide de ton cœur. S'est laissé capturer et emporter par le souffle léger de tes mots. L'étincelle brillante de tes yeux et la douceur timide de ton cœur.